Les verbes gogo se comportent d'une manière un peu particulière. Pour les verbes gogo, on ajoute un D au futur juste avant la terminaison, ce qui fait disparaître la voyelle d'un infinitif. Prenons par exemple le verbe tener, qui donne tengo à la première personne du singulier au présent, donc avec je. Pour dire j'aurai au futur, ça donnerait normalement tenere. Eh bien, répétez plusieurs fois tenere, tenere, tenere, tenere, tenere. Hein? Vous verrez que d'une façon presque imperceptible, ce dé apparaît. Tenere, tenere, tenere. Voilà, et c'est comme ça, comme d'une forme tenere, on est arrivé à une forme tendre. D'ailleurs, on observe la même chose en français avec des formes comme je tiendrai, viendrai, etc. Donc, les terminaisons sont les terminaisons habituelles, mais on ajoute un D avant. Alors, j'aurai, tendré, et nous aurons... Tendremos. Tendremos, d'accord. Il ou elle aura, ou vous, usted, aurez. Tendra. Tendra, oui. Il ou elle auront, ou bien, ustedes, hein, vous aurez. Tendran. Tendran. Et tu auras. Tendras. Tendras. De la même manière, on avait salgo, le verbe salir et donc un verbe gogo. Salir qui signifie sortir. Alors, au futur, je sortirai, au lieu de salire, c'est. Saldré. Et encore une fois, hein, salire, salire, salire, saldré. Saldré. C'est ça, hein, saldré. Hein, c'est très facile. Saldré. Je sortirai. Et nous sortirons. Saldremos. Bien sûr. Hein, saldremos. Comment dites-vous il ou elle sortira? Ou bien aussi, usted, hein, vous sortirez, usted. Saldra. Saldra. Il ou elle sortiront, ou bien vous sortirez dans le sens ustedes, hein, vous sortirez. Saldra. Sal, encore une fois. Saldran. Saldran. Hein? Saldran. Bien. Et tu sortiras. Saldras. Encore? Saldras. D'accord, hein, je voulais entendre un peu plus nettement la syllabe accentuée à la fin. Hein. Saldras. Saldras. Ok, encore une fois. Saldras. Bien. Maintenant, donnez-moi un autre verbe gogo. Pongo. Pongo, hein, je mets, d'accord. Alors, comment dira-t-on je mettrai? Pondré. Pondré, bien sûr. Et nous mettrons. Pondremos. Pondremos. Il ou elle mettront. Pondran. Pondran. Tu mettras. Pondras. Pondras.